yeux. Dis-moi qu'on lâche les feuilles, est-ce y a main comme moi doudou, moi en visage doudou. L'année nous j'a passé, chemin nous j'a tracé, est-ce qu'a dit que réveille, moi en vie, ouais. Nous même nous ni même tcha, nous aimer même nous là. Volez-moi sucre en beuil, me parlez ou le seuil. Je dirai arriver, vous nous rencontrez. Je dirai arriver, oui, vous nous partez tester. Je dis nous.